troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des hérésies. Aujourd'hui, dans le débat, nous allons nous demander comment le monde romain antique vivait la différence religieuse. Lundi, à propos d'hérésie, nous avons fait un grand chemin de l'Antiquité à aujourd'hui avec l'historien Jean-Pierre Chantin. Hier, nous nous sommes posé la question de la création de l'église anglicane sous Henri VIII. Demain, nous allons vous raconter le massacre des Vaudois du Luberon. C'était au XVIe siècle et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous demander ce qu'était la catégorie d'hérésie dans le monde antique avant le christianisme et comment l'installation de cette religion dans l'Empire romain en a changé le sens. Nous en parlerons en compagnie de Claire Sotinel, professeure d'histoire romaine à Paris-Est Créteil. Elle participe à un groupe de recherche « Hérésie, pouvoir et société » qui travaille sur les hérésies de la fin de l'Antiquité au Moyen-Âge. Isabella Jurach, elle est chercheuse associée au centre Léon Robin à Sorbonne Université. Elle est docteur en théologie, docteur en orientalisme et docteur en philosophie. Elle nous parlera entre autres de Plotin, des Gnostiques et de Bardézanne. Et Hélène Ménard est maître de conférence à l'Université Paul Valéry à Montpellier 3. Elle est spécialiste de l'ordre public à Rome. Bonjour Claire Sotinel. Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour Isabella Jurach. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à vous Hélène Ménard. Bonjour Emmanuel Laurentin. Alors, on va vous demander avant l'arrivée du christianisme, parce que c'est plutôt votre spécialité que cette République romaine et cet Empire romain naissant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est justement de cette notion d'hérésie dans un milieu qui, c'est comme ça qu'on on l'imagine en tous les cas, est un milieu où la religion est une pratique et où en fait on est très accueillant pour la religion des autres. Au bout du compte, on va laisser s'installer à Rome d'abord, avec le culte de Cybèle par exemple, puis ensuite dans la Rome républicaine, puis ensuite dans la Rome impériale, tout un tas de cultes qui vont donner l'idée d'une religion partagée et d'un endroit où il n'y a justement pas d'interdit. Qu'en est-il justement dans cette religion romaine des premiers temps et qu'est-ce qu'on peut dire avant l'arrivée du christianisme sur la tolérance ou le regard porté sur d'autres façons de pratiquer des cultes ? Effectivement, l'hérésie n'existe pas. Pas vraiment dans la religion romaine. Ce n'est pas une notion qui est reçue au sens où nous entendons hérésie. La religion romaine est avant tout une orthopraxie. C'est-à-dire le respect des rites, le respect d'un culte, le respect scrupuleux d'un culte. Et à partir du moment où ce culte est respecté, les Romains sont tout à fait tolérants, accueillent volontiers d'autres religions, mais dans certaines limites. Alors, le respect d'un culte, ça veut dire que il y a un lien entre le culte que l'on pratique et la cité dans laquelle on se trouve, oui, en particulier religion, quand on est à Rome, et qu'il y a donc l'idée que si le culte est bien pratiqué, eh bien on va d'une certaine façon protéger la cité, participer à la cité, et que s'il est mal pratiqué, en revanche, eh bien on peut déclencher les foudres du ciel d'une certaine façon. La colère divine, hein, la colère des dieux, comme le disent les Romains, et c'est le cas en particulier en 186 avant notre ère. Donc nous sommes dans une période extrêmement complexe, difficile pour la cité de Rome, et des dévots de Bacchus se comporte mal vis-à-vis de la religion. Il modifie en fait le culte tel qu'il a été admis à Rome. Parce qu'on a une sorte de procédure d'admission. On arrive dans cette Rome républicaine et on est plus ou moins reconnu. Il y a une sorte de façon licite de pratiquer la religion que l'on amène avec soi, le culte que l'on amène avec soi. Les associations cultuelles sont sous l'autorité, par exemple, du Sénat. Mm-hmm. Il doit y avoir effectivement une autorisation du Sénat, de la communauté civique dans son ensemble, de façon à ce que cela ne crée pas de troubles particuliers. Et dans le cas des Bacchanales, hein, puisqu'il s'agit de cet épisode, effectivement, si le culte de Bacchus est autorisé, est admis, en revanche, le comportement de ses dévots, à partir du moment où il modifie les adeptes, le genre des adeptes, en fait, puisqu'à l'origine, ce sont uniquement les femmes qui sont admises à ce culte, et donc une admission des hommes, une modification du calendrier, le fait que normalement le culte se fait deux jours et cela se transforme, il se fait de nuit, voilà, ce genre d'éléments, cela commence à poser problème, puisqu'on n'est plus dans la pratique normale de ce culte. Et donc, dès 186 avant notre ère, donc, il y a une discussion, pourrait-on dire, dans cette Rome républicaine, sur la manière dont on a pratiqué un culte, et en particulier ce culte de Bacchus, et il va y avoir des édits qui vont être prononcés pour pouvoir dire la bonne manière, la bonne pratique justement de ce culte, pour éviter justement les débordements. C'est ce qui va se passer, Hélène Ménard ? Alors, c'est un petit peu plus complexe. Allez-y. Moi, je simplifie, vous allez complexifier, c'est normal. En fait, ce qui pose problème, dans un premier temps, c'est un problème d'ordre public. Donc, vous êtes spécialiste. Notamment le fait que ces modifications du culte entraînent des sortes de déviances, des stupres, des viols, éventuellement des homicides, donc créer un trouble. On rentre dans le crime. On rentre dans le domaine du crime. On rentre dans le domaine du crime, et c'est ce qui est dénoncé dans un premier temps, ce qui provoque l'intervention des consuls. Mmh. Et effectivement, après cette intervention des consuls, vous avez des senatus consultes qui régulent le culte, qui autorisent certains aspects du culte, la pratique du culte dans certaines conditions, très, très, donc très contrôlées, très maîtrisées. Mais vous voyez qu'il y a différents niveaux, en fait, de répression. Claire Sautinel, cette notion d'hérésie qui sera si développée par le christianisme à partir du 2e, 3e siècle de notre ère, existe dans le monde antique, en particulier c'est un terme grec, mais elle n'est pas cette notion ne veut pas dire la même chose que ce qu'on entendra plus tard. Donc il faut peut-être se dire qu'il y a des hérésies, mais ces hérésies n'ont rien à voir avec ces hérésies que l'on connaît à partir du développement du christianisme dans l'Empire romain. Je dirais que le mot existe, mais que la catégorie n'est pas la même. C'est pas qu'il y a des hérésies qui sont différentes, c'est que le mot hérésis, qui existe en grec et qui est utilisé par des auteurs chrétiens à partir dès la période apostolique, mais il désigne des opinions diverses l'existence même de la diversité de choix dans des domaines qui ne sont pas religieux, parce que dans les domaines philosophiques en particulier, alors qui sont en particulier philosophiques, qui relèvent de l'histoire de la vie des idées, alors que là, comme Hélène Ménard vient de le dire, la religion, elle est plus une question de règles de pratique et de règles des relations de la pratique religieuse avec la cité. On s'occupe pas de savoir ce que pensent les dévots de Dionysos de la vie, la mort. C'est ce qu'ils font qui est important. C'est pas ce qu'ils pensent. Tandis que le mot hérésis, il est dans le registre des idées et des opinions, si on veut dire. Et c'est effectivement les chrétiens lui donneront un sens particulier. Isabella Jurach. En grec, le mot hérésis veut dire choix. Et c'est un choix qui peut s'exercer dans les différents domaines. Ça peut être un choix politique, par exemple le choix des magistrats. Ça peut être un choix par le vote. C'est un choix pratique, mais ça peut être aussi le choix, comme vous venez de dire, le choix d'opinion. Mais c'est un choix qui est loin d'être banal. Il s'agit de choisir une opinion qui va modifier votre vie, qui va avoir des répercussions pour votre existence, comme par exemple le choix d'une opinion philosophique, d'une école philosophique. Si on est stoïcien, par exemple, ou épicurien. Absolument. Et ça détermine votre existence, ça détermine votre façon de s'impliquer en or dans les affaires de la cité, ça détermine votre attitude, votre choix de vie privée pour le mariage en or. Ça peut même atteindre votre alimentation, votre façon de s'habiller. Donc, c'est vraiment un choix extrêmement important. Et donc, c'est considéré positivement d'une certaine façon. Oui, il n'y a pas cette charge négative que l'on découvrira plus tard dans l'hérésie, c'est-à-dire c'est un choix positif, on met ses idées, sa vision du monde en accord avec sa pratique d'une certaine façon. Et Platon, ça c'est ce choix-là. Tout à fait, Platon dit que hérétique c'est un homme qui choisit. Tout simplement, c'est quelqu'un qui réalise un choix dans sa vie, un choix politique, vital, existentiel. Hélène Ménard, avant même l'invention du christianisme, vous qui êtes spécialiste de la question de l'ordre public, cette affaire des Baïkanal vient tout de suite, celle que vous venez de nous décrire, quand on évoque justement cette question d'une tension à l'intérieur de la société romaine autour d'une question de religion, ou plutôt de pratique religieuse, à savoir celle de Bacchus. Il y a peu d'exemples, il y a peu d'autres exemples où on voit exploser un moment où on doit légiférer avant l'arrivée du christianisme. En tous les cas, il y a peu d'exemples où on se met en tête de devoir légiférer autour de ces questions-là ou de faire un senatus consulte autour de ces questions-là. Effectivement, c'est un exemple assez quasi unique. Quasi unique, en tout cas. Sur lequel on a une documentation réellement développée, puisque l'affaire des Baïkanal est connue à la fois par un très long passage de Tite Live et par le Senatus Consulte lui-même, donc qui a été retrouvé en Calabre à Tiriolo. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais ça veut dire simplement que celui-ci est mieux documenté. Oui, c'est ce qui est le mieux documenté, mais on a d'autres passages dans Tite Live où on évoque des comportements féminins, notamment à peu près à la même période, mais plus liés en fait à la magie. Donc c'est encore une autre problématique. C'est une autre façon, c'est une autre relation avec les divinités qu'introduit la magie, mais... Claire Sotinel. En fait, moi, j'aurais un peu tendance à dire qu'il n'y a aucune affaire de l'ampleur des Baïkanal et de l'ampleur politique et globale des Baïkanal pour la cité de Rome. Mais en revanche, on légifère en permanence sur les pratiques religieuses. C'est-à-dire que ces pratiques, ce qu'Hélène disait à propos des règles qui sont énoncées pour les cultes après les Baïkanal, pour chaque culte, il y a des règles qui sont vérifiées et il y a des déviances individuelles. Il y a un contrôle religieux qui existe. Mais la religion ne fait pas l'objet de, enfin, les pratiques religieuses ne font pas l'objet de crises énormes. Quand vous parliez de tolérance romaine au culte, en fait, une capacité d'assimilation qui fait que tant qu'on reste dans les cadres de l'ordre public, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent du moment que ça n'interfère pas avec les lois de la cité. Donc il y a un contrôle, mais pas de crise. Et ça, c'est très important, vous qui travaillez sur la question de l'ordre public. En l'occurrence, Hélène Ménard, c'est effectivement, on se pose la question de la façon dont la cité peut, la cité romaine évidemment, bien évidemment, mais les autres cités de l'Empire romain à partir du moment de la création de l'Empire par Auguste, on se pose la question de savoir comment elle se gère, comment on évite justement les débordements. Et on voit bien effectivement que l'arrivée de nouvelles religions, en particulier venues d'Orient, de l'Orient du bassin méditerranéen, va perturber peut-être les choses. Le manichéisme fera partie des questions qui seront posées, mais aussi le christianisme naissant, qui est donc une branche du judaïsme, qui pose une question, en tout cas, de maintien de l'ordre public. Et d'ailleurs, la question même de la présence de Jésus en Judée est une question d'ordre public, en l'occurrence, qui peut être posée à ceux qui représentent l'Empire romain dans cette même région. C'est en fait à partir du moment où se constituent des communautés que le problème peut se poser à partir du moment où les adeptes d'une religion nouvelle sont identifiables en tant que telles et peuvent effectivement susciter des réactions de rejet. Et c'est à ce moment-là, je pense, que les autorités peuvent intervenir, voire doivent intervenir. Je pense en particulier aux chrétiens de Lyon en 177, où la répression finalement est due à une émeute populaire contre les chrétiens. Donc chaque communauté civique, à partir du moment où vous avez un autre peuple, alter populus, c'est ce qui est utilisé pour les Bacchans, mais aussi ensuite pour les chrétiens, à partir du moment donc où vous avez la constitution d'une sorte de faction ou de communauté, d'association qui est considérée comme dangereuse pour l'équilibre de la cité, à ce moment-là, on a effectivement une intervention. Et c'est ce qui, ce sont des questions que parfois les gouverneurs posent. D'ailleurs, Pline le Jeune se pose la question, alors qu'il est gouverneur du pont Bétigny, de cette présence des communautés chrétiennes. Il se demande ce qu'il faut faire à partir du moment où ces communautés deviennent plus importantes et peut-être posent un problème à l'ordre public romain. Claire Sautinel, oui. Isabelle Ayorinche. Oui, en effet, on se pose la question, mais on se pose la question pas en termes pas en termes d'hérésie, c'est-à-dire qu'on se pose la question en termes d'exclusion d'un autre et l'accusation. Enfin, cette question d'autres peuples, elle est très intéressante parce que elle est extrêmement flexible et utilisée de manière différente. C'est-à-dire que les chrétiens se définissent comme un autre peuple dans leur aspiration essentielle, dans leur pratique quotidienne, ils sont en fait très liés, très très mélangés dans la cité, enfin selon les endroits. Et effectivement, l'accusation de former faction est une accusation qui leur est relancée. Ça fait partie des grands débats, mais on ne raisonne pas en termes de doctrine de la part du pouvoir romain. On raisonne en termes d'ordre public. Isabelle Urache. Les chrétiens, pour les Grecs et les Romains, représentent un double danger. D'abord, c'est un danger de nouveauté. Et toute nouveauté en matière de religion, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu par les anciens. En fait, la religion, c'est une affaire ancestrale. On veut dire, de nouveauté, ça n'est pas la nouveauté dans l'Empire romain qui pose problème. C'est la nouveauté, c'est-à-dire une religion qui vient d'un autre espace géographique qui serait très ancrée dans une pratique depuis plusieurs siècles, ne pose pas de problème aux Romains, ou c'est la nouveauté parce qu'elle a été inventée, cette nouvelle religion? Exactement, parce qu'elle a été inventée pour les Romains. Le christianisme, c'est une nouveauté prêchée par un certain Jésus il y a 50 ans, 100 ans, donc c'est quelque chose de très récent. Alors, toute invention en matière religieuse, c'est une chose dangereuse. Et effectivement, il y a un danger, pas tant que les Romains s'intéressent au contenu de cette doctrine, il y a un danger d'ordre public. Parce que qu'est-ce que c'est cette nouvelle religion qui apparaît dans l'espace public? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense que l'hostilité des pouvoirs publics romains vis-à-vis du christianisme se manifeste bien avant qu'ils comprennent que le christianisme est une religion nouvelle. Elle se manifeste parce que d'une part, quand il y a des troubles, par exemple, entre des juifs et des chrétiens et qui se tapent dessus les uns les autres, ça crée un trouble, il faut bien intervenir. Ou quand il y a des émeutes populaires contre les chrétiens qui se conduisent bizarrement, comme à Lyon en 177, il faut intervenir. Mais dans ces premières phases, les Romains, n'interroge pas vraiment la nature du christianisme. En revanche, ce qu'ils perçoivent comme élément de nouveauté très important, c'est que des gens qui participent à cette religion ne devraient pas y participer, qu'ils ont abandonné leur religion ancestrale, civique, et traditionnelle. Absolument, et civique. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais c'est pas parce que la religion a été créée par Jésus, c'est parce qu'on passe d'une religion à l'autre en abandonnant tout ce qu'on a traditionnellement. Et cette religion aurait pu avoir 6 siècles d'existence si on abandonne sa religion traditionnelle pour la passer. C'est ça qui pose un problème aux autorités. Isabelle Ayourache. Non, l'argument quand même que le christianisme est une nouveauté inventée par Jésus, ça apparaît dans les textes chrétiens qui répond aux accusations des Romains en disant « Oui, vous, Romains, vous nous voyez comme si Jésus avait inventé notre religion, tandis qu'en réalité, nous croyons en un Dieu qui est créateur du monde. » Donc, les chrétiens se défendent contre cette accusation d'être une nouveauté apportée par Jésus. Et autre chose, c'est effectivement le trouble d'ordre public, parce que les chrétiens, effectivement, sont vus comme une communauté à part, donc une communauté un peu des hippies, des anarchistes, quelqu'un qui brise avec les règles de la société, qui vivent un peu à part. Alors, les Romains les accusent de tout ce qui leur passe par la tête et ils projettent sur les chrétiens plein des clichés, ils les accusent de cannibalisme, des incestes, des orgies, ils font certainement n'importe quoi dans leurs assemblées, tant qu'ils ne font pas partie de notre monde religieux. Donc, forcément, ils font des choses mauvaises. Mais il faut avoir en tête tout de même que cet Orient méditerranéen est traversée de dizaines de ce qu'on appelle des sectes très différentes. Les chrétiens en font partie, mais il y en a bien d'autres qui sont présentes aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être difficilement compréhensible. Certaines se tiennent tranquilles, d'autres moins. Et d'une certaine façon, j'imagine que les sénateurs romains, vus depuis Rome, ont peut-être un peu de mal à comprendre cette mosaïque de religions naissantes qui sont en concurrence les unes avec les autres dans un espace géographique qu'ils viennent tout juste de conquérir. En l'occurrence, il y a peut-être cette dimension-là. Je ne sais pas, Claire Sautinel. Oui, alors je pense que tant que, enfin, il y a des attitudes différentes de la part du pouvoir romain selon qu'on a affaire à des manifestations très locales et dans des zones plus ou moins périphériques ou proches du centre du pouvoir romain. Si Pline le Jeune s'intéresse aux chrétiens de Bithynie, c'est parce que dans la cité où il est établi, il est confronté à des problèmes spécifiques qui sont des dénonciations de voisins entre voisins. On leur dit, les chrétiens font ceci, les bouchers sont ruinés parce que plus personne ne veut manger de viande de sacrifice. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tant que c'est des petits groupes, le côté hippie, le côté alternatif, il trouble les Romains quand il a lieu à proximité des zones de pouvoir. Donc c'est un petit peu aussi quand le christianisme se développe à Rome, à Carthage, dans quelques grandes villes proches du pouvoir, ou dans les villes de l'Orient méditerranéen aussi, que c'est important. Hélène Ménard. Il faut peut-être aussi introduire l'idée que lorsque l'on parle de chrétiens, il y a une diversité au sein même des communautés chrétiennes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les chrétiens de façon monolithique. Ah bah, surtout pas à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, comme Claire l'a dit, tout est un problème de distance vis-à-vis du pouvoir, mais aussi de comportement différencié des communautés. Et comment les Romains perçoivent-ils, Isabella Jurach, la menace d'une certaine façon? Quand les Manichéens, donc au IIIe siècle, c'est un peu plus tard, mais on peut prendre cet exemple pour comparer avec les chrétiens qui sont un peu plus précoces dans cette question-là, vont, disons, se déplacer aussi de l'Orient vers l'Occident quand ils vont avoir la prétention d'arriver dans des secteurs qui sont des secteurs gérés depuis longtemps par les Romains, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Égypte et des endroits comme ceci. Est-ce que c'est parce que justement il y a non pas une vision d'une religion conquérante, mais disons qu'il y a un chemin qui est parcouru vers le centre de l'Empire, qu'on va considérer qu'il y a une menace, en l'occurrence Isabella Jurach. Les chrétiens arrivent à Rome très tôt parce que les premières communautés chrétiennes ont été fondées déjà dans les années 50. Oui. Donc c'est pas une question qu'il arrive physiquement, mais une question qu'il commence à faire leur apparition dans l'espace public. Donc les Romains se rendent compte de la présence des chrétiens à Rome au moment quand les chrétiens commencent à se séparer du judaïsme et quand les communautés apparaissent de manière un peu plus visible dans l'espace public. Alors à ce moment-là, effectivement, les Romains se rendent compte qu'il y a un nouveau groupe dans la cité. Alors les attitudes sont assez variées. Il n'y a pas des persécutions décrétées générales jusqu'à la moitié du IIIe siècle. Donc les épisodes sous Néron, par exemple, sous Claude, sont des épisodes isolés dus, effectivement, comme ça a été dit, aux troubles d'ordre public. Néron cherche des boucs émissaires pour faire porter le chapeau à quelqu'un, donc il choisit les chrétiens, profitant d'une mauvaise opinion qu'ils avaient. Mais même les Romains se rendent compte très rapidement que les chrétiens sont ici des victimes innocentes. Donc, leur martyr suscite plutôt la pitié qu'autre chose. Voilà, les attitudes sont assez différenciées. Oui, effectivement, les attitudes sont très différenciées. Dans le cas des manichéens que vous évoquiez tout à l'heure, lorsque le manichéisme pénètre dans l'Empire romain, ça vient du côté de la Perse. Il vient de la Perse. Il vient d'un autre peuple. D'un autre peuple qui, lorsque le manichéisme commence à exister, ça fait 20 ans qu'en Perse, il y a une nouvelle dynastie, les Sassanides, qui sont en guerre avec les Romains, avec des revendications très fortes. Donc, dans le cadre du manichéisme, dans l'édit de condamnation du manichéisme, il y a une dimension politique qui est forte, mais qui est doublée dans le texte que l'empereur Dioclétien publie au tout début du IVe siècle, qui est de dire que les manichéens, ça pervertit les pratiques ancestrales. Et ça, c'est vraiment une accusation centrale c'est de couper les hommes de leur racine, non pas chrétienne, mais de leur racine religieuse romaine. Esther Lamandier qui chante Abund Basmayo. Je ne sais pas si je prononce bien, en l'occurrence, Isabelle Ayourage. Ça ira, dites-vous. Hein. C'est le Notre Père en syriaque. Vous êtes spécialiste de ce syriaque, justement, puisqu'on évoque cette question de l'invention, pourrait-on dire, de la vision moderne, antique en l'occurrence, mais telle qu'on l'entend aujourd'hui, de la question de l'hérésie. Alors, vous disiez au tout début, toutes les trois, qu'il n'y avait pas de portée, pourrait-on dire, négative à cette question de l'hérésie. À partir de quand peut-on dire que cette hérésie, qui est un choix au départ dans la langue grecque, devient quelque chose de négatif et nous conduit à penser à ce nouveau terme donc d'hérésie tel qu'on l'entend aujourd'hui? Claire Sotinel, Isabelle Ayourache. Alors, je suis pas la plus compétente pour en parler, mais c'est pas tellement que le terme se transformerait de notion positive en notion négative. Je crois vraiment, mais peut-être vous préciserez ma pensée, enfin ce qu'il faut penser, que les chrétiens construisent une nouvelle catégorie qui est pour laquelle ils utilisent ce mot grec d'hérésie. C'est-à-dire qu'ils prennent le mot, mais ils le chargent d'un autre exactement, sens. Exactement, exactement. Oui. C'est pas tellement la notion moderne d'hérésie, car certainement cette notion évolue avec le Bien temps. Sûr. C'est la notion chrétienne d'hérésie qui est importante, qui naît au IIe siècle, hein, qui est formulée, qui est articulée au IIe siècle hein, par des auteurs comme Justin, qui est un auteur qui venait à Naplouse, en Palestine, Flavia Néapolis, ou par Irénée de Lyon, des auteurs du IIe siècle qui construisent cette catégorie de l'hérésie qui a des valeurs très spécifiques. Alors justement, Isabelle Ayourache, vous avez travaillé sur ces questions, et on peut dire effectivement que c'est une nouveauté. On charge ce nom, ce mot grec d'un autre sens, et on l'applique donc à des personnes qui sont quoi dans cette communauté, dans ces communautés très variées du christianisme naissant, parce qu'il faut quand même dire que on est très loin d'avoir une église unifiée à ce moment-là, au IIe siècle, ça n'est pas du tout le cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'on dise celui-ci appartient à cette catégorie d'hérétiques et celui-ci pas? Alors là, il s'agit d'un processus assez long et assez complexe, donc je vais essayer d'en poser quelques jalons. Le premier moment quand le mot hérésis, au sens encore grec, apparaît dans le vocabulaire chrétien, c'est dans la première épître aux Corinthiens, où Paul de Tarse réproche aux Corinthiens le fait d'être divisé, il réproche l'existence des schismata dans la communauté, et à un moment donné, il dit quelque chose qui est assez bizarre, il dit « Il faut de toute façon qu'il y ait des hérésis parmi vous pour que les hommes éprouvés apparaissent. » Alors, qu'est-ce qu'il entend par hérésis? Est-ce que c'est simplement le synonyme des schismata, ou plutôt... Des schismatiques, donc. Voilà, des schismatiques, des divisions dans la communauté, ou plutôt, est-ce que c'est le fait de dénoncer, est-ce que c'est le fait de différentes opinions, différentes appartenances. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait dans la communauté de petites factions, de petits groupes, qui peuvent être facteurs de division, peuvent être facteurs des ruptures, des jalousies, des querelles, ou bien ils peuvent être aussi complètement neutres. Donc c'est là, je crois, le moment charnier où on passe d'une utilisation neutre, anodine du terme airesis en grec, à une utilisation chrétienne qui effectivement applique le terme airesis à un groupe d'appartenance et surtout à une appartenance du type religieux. Et donc aussi cette idée qu'il y aurait des séparations. Absolument. Donc parce il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et on va pratiquer progressivement donc des définitions qui permettront de dire celui-ci est hérétique et celui-ci ne l'est pas ou pas. Alors pour l'instant, on est à l'intérieur du monde chrétien. Oui, et effectivement, Justin de Naplouse, qui vient d'être évoqué, c'est le premier qui se rend compte qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais parmi ces chrétiens, il y en a quelques-uns qui sont légèrement suspects, comme les disciples de Simon le Mage, les Marcionites, les Basilidiens, les Valentiniens. Justin est l'auteur d'un premier traité sur les hérétiques, un traité perdu. Et il explique aussi l'existence de ces groupes, il en parle, il prévient ses interlocuteurs païens, faites attention, si vous voulez reconnaître aux chrétiens le statut d'une école philosophique, faites attention parce qu'ils ne sont pas tous des bons. Oui, Claire Sautinel. Oui. Dès les premiers, les plus anciens textes chrétiens qu'on a, il y a toujours ce souci du faites attention. Faites attention pour savoir qui donne le bon enseignement et le vrai enseignement. L'histoire de Simon le Mage, elle se trouve dans les Actes des Apôtres. Il y a des gens qui prêchent, qui se disent chrétiens et qui donnent un faux enseignement. La grande question, quand on est dans ce monde extrêmement mobile et varié des plus anciens groupes chrétiens du monde méditerranéen, c'est que ces groupes communiquent entre eux par des lettres, tout simplement, par des envoyés, mais ils ont une vie autonome et il n'y a aucune autorité reconnue collectivement qui vient trancher. Donc, et c'est même le cas sur les textes sur lesquels on se fonde. Les évangiles, le canon évangélique n'est pas encore défini. On construit cette catégorie d'hérésie. Il n'y a pas d'abord les hérétiques et après on décide ceux qui le sont. Il y a une réflexion, je dirais, infinie et constante. Qu'est-ce que c'est que d'être vraiment chrétien ? Pour laquelle on construit progressivement des outils. Alors, il va y avoir l'outil du schismatique, l'outil du séparé, parce que il se sépare et refuse l'autorité. Et il y a l'outil de l'hérétique, qui est celui dont il faut se séparer parce qu'il se trompe. Hein, parce qu'il se trompe, et il se trompe en faisant ainsi l'œuvre du diable et pas l'œuvre de Dieu. Donc cette erreur, elle est grave et fautive. D'autant, Isabella Jourache, vous avez travaillé sur un certain Bardézane, donc que je ne connaissais pas avant de vous lire, qui est un personnage intéressant. Ça, on est deuxième, début troisième siècle, en l'occurrence. Mais il dit quelque chose par simplement le regard qu'on porte sur lui et sur aussi cette variété des influences qu'il peut y avoir dans ce christianisme d'origine, puisque vous dites qu'il y a la philosophie grecque, il y a aussi la question de l'astrologie chaldéenne, puisqu'il vient de Mésopotamie, il y a le judaïsme hellénisé qui a quelque chose à voir avec ça, le christianisme primitif, tout cela se mélange dans une personnalité comme celle de Bardézane, qui à l'époque n'est pas encore considéré comme un hérétique, mais qu'il sera beaucoup plus tard, rétrospectivement, deux siècles plus tard. Et donc, ça veut dire aussi que la mobilité dont parlait tout à l'heure Claire Sautinel, la mobilité des idées, fait aussi que l'on s'accroche à des choses, on rajoute à ce christianisme, à ces communautés d'origine, des particularités qui tiennent à l'endroit où l'on est, à l'endroit d'où l'on vient, à d'autres religions que l'on a pu pratiquer auparavant, d'autres cultes qu'on a pu pratiquer auparavant, et que ça n'est pas encore totalement défini. C'est cela, Isabella Jourache, ou je me trompe? Non, vous avez très bien présenté le personnage de Bardézane, qui est effectivement emblématique de cette chrétienté du deuxième siècle, deuxième, troisième siècle, enfin, qui est extrêmement différenciée. C'est une chrétienté qui n'est pas monolithique, où il n'y a pas une instance permettant de dire qui est orthodoxe et qui est hérétique. Et c'est une chrétienté où effectivement il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, qui portent ces noms, mais qui en même temps s'en suivent plutôt Marcion, Valentinien ou quelqu'un d'autre. Et en fait, pour Bardézane, ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il représente la chrétienté qui est plutôt marginale. C'est une chrétienté qui s'est développée à Édesse, donc en Mésopotamie, comme vous venez de dire. Et c'est une chrétienté qui est plutôt du type judéo-chrétien. Donc, c'est vraiment en milieu qui n'évolue pas de la même façon que les communautés du bassin méditerranéen. Oui, et cela veut dire aussi qu'on est encore, on n'est pas encore dans l'orthodoxie, qu'on n'a pas encore inventé cette idée qu'il y a cette orthodoxie va définir qui est dedans, qui est dehors, en l'occurrence, Claire Sotinel. On invente l'idée assez tôt qu'il y a une orthodoxie, c'est-à-dire qu'il y a une juste façon de faire les choses et qu'il faut justement ce qui court, je trouve, comme un courant électrique tous les textes chrétiens antiques, c'est cette inquiétude de savoir ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. C'est un grand souci, d'autant que ces premières... Alors, moi, j'utilise pas le terme de chrétienté pour parler de l'Antiquité à cause de l'ambiguïté avec l'utilisation médiévale du terme qui, la chrétienté désigne une société chrétienne. Là, ouais. On est dans des groupes qui sont chacun chrétiens où l'investissement religieux peut être extrêmement fort comme il peut être de plus faible intensité selon les endroits. Faut pas s'imaginer que les chrétiens du premier siècle sont tous ultra intenses, même s'ils le sont plus quand ils sont. Mais ils sont, chaque groupe est un peu isolé dans son milieu puisqu'il est une petite minorité qui doit trouver des signes de reconnaissance entre eux, qui doit partager un enseignement. Et on construit cette notion d'orthodoxie en essayant de multiplier les contacts entre les communautés, d'où l'importance des lettres, des textes qu'on envoie pour vérifier ce qu'on fait. Et puis l'invention de cette institution, enfin qui n'est pas encore institutionnalisée, des synodes, des réunions d'évêques qui vont échanger sur des idées. Et tout ça produit, on produit l'orthodoxie en même temps qu'on produit l'hérésie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus d'abord une orthodoxie, puis des gens qui s'en séparent. Bien sûr. Mais on essaye de construire c'est ensemble, en sauf que ça se traduit par des divisions et des condamnations réciproques. Hein. Isabelle Leyourache. Je voudrais encore rester un peu au XIIe siècle et évoquer un auteur qui est très important pour le développement du concept de l'orthodoxie, qui est Irénée de Lyon, qui justement il remarque cette diversité des groupes. Certains il la considère comme dangereuse, les marcionites et surtout les gnostiques valentiniens. Et Irénée, il s'interroge sur le critère permettant de distinguer entre ce qui est du bon chrétien et des mauvais chrétiens. C'est le livre contre les hérésies qui absolument, date à peu près de 180, livre, c'est 180, ça 180, absolument. Donc, c'est dans ce livre-là, il pose comme règle de la foi la conviction que les bons chrétiens sont ceux qui croient en un seul Dieu, l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, et en seul Christ. Et pour lui, c'est un programme minimum, on peut dire vraiment le credo réduit au minimum. Et c'est à ça qu'il faut adhérer pour être un bon chrétien. Et c'est ça le contenu, le noyau dur de la prédication apostolique. Claire, c'est et ce faisant, Irénée contribue énormément à la construction d'une doctrine, puisqu'il énonce les bases de quelque chose auquel tout le monde doit adhérer. Mais quelle est l'autorité d'Irénée? Parce qu'après tout, il est un évêque parmi les autres. Donc, il contribue aussi à construire l'idée que, puisqu'il est pas question, personne n'a même envie à cette époque qu'il y ait une structure hiérarchique avec une église qui décide, quelqu'un qui décide pour tout le monde. Donc, il construit aussi l'argument qui est que ce qui compte, c'est la fidélité à l'enseignement des apôtres. C'est donc en remontant chronologiquement dans le temps qu'on va vérifier. Mais pour ça, il faut aussi des textes, d'où le travail aussi considérable d'Irénée pour la constitution d'un canon d'écriture. Mmh. À quel texte on va se référer pour définir cette orthodoxie. Et tout ça est un combat. C'est-à-dire que Irénée, il s'approuve lui-même. Il est approuvé par bien d'autres, entre autres par l'évêque de Rome, mais il n'est pas accepté par tout le monde. Et comme, je ne sais plus si c'est avant ou pendant l'émission qu'on le disait, on peut décider collectivement, et ça a un grand retentissement par des lettres échangées parce que les textes sont conservés, que telle chose est juste, mais il y a plein de gens qui le pensent pas, parce qu'il n'y a pas de manière de résoudre les divergences. Ce qui explique d'ailleurs que ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Bardézane, Isabelle Leyourache, c'est-à-dire que il y a des personnes qui sont considérées comme participant à ces communautés à un moment donné, et qui beaucoup plus tard, parce qu'on aura eu les conciles, parce qu'on aura décrété de qui est dedans, qui est dehors, au bout du compte, beaucoup plus tard seront éjectés de ceux qui sont licites, qu'il est licite de citer ou qu'il est licite de considérer comme étant des premiers chrétiens, justement. Déjà, cette condamnation, pour Bardezan, c'est indépendamment des conciles, parce que c'est Ephrem le Syrien, le plus grand auteur de la langue syriaque, qui accuse Bardezan d'être disciple de Marcion et maître de Mani. C'est complètement faux. C'est archi-faux. Bardezan était un polémiste anti-marcionite et Mani écrivait contre les bardezanites. Donc, vraiment, ces trois personnages n'avaient rien à voir. Mais il y en a un qui dit ils ont à voir entre eux. Et c'est très important dans la construction du discours hérésiologique. Parce que dans le discours hérésiologique, comme il était de une succession pour les apôtres, il a fallu qu'il y ait aussi une succession des hérétiques. Donc, pour les auteurs chrétiens, c'était quelque chose de très important de donner une vision cohérente des hérésies et de montrer qu'effectivement, il y avait une succession des erreurs de maître à disciple. Et Bardezan, ici, est présenté, il est caricaturé à outrance. Et en fait, Ephrem, même dans certains passages, il se rend compte qu'il va trop loin, donc il raconte un peu les choses de manière qui n'est pas tout à fait exacte. Mais n'empêche, il le fait dans plusieurs ouvrages, et à chaque fois, Bardezan, il est associé à Marcion et Mani, donc, et ça passe après dans l'hérésiologie musulmane. Et cette question, justement, effectivement, d'une sorte de généalogie de l'hérésie, c'est très important, c'est ce sur quoi vous travaillez, Claire Sotinel, avec les médiévistes qui sont avec vous dans votre groupe de travail. Il n'y a pas de disparition de certaines de ces hérésies, elles sont au contraire réactivées. On parlera des vaudois, mais on parle demain, la question du manichéisme sera réactivée, la question des cathares sera réactivée au Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire les Ariens seront utilisés souvent beaucoup plus tard aussi. À chaque fois, on va prendre des catégories antiques de l'hérésie du départ pour pouvoir être perdurer au-delà des temps. Oui, cette idée de généalogie des hérésies, elle est extrêmement puissante comme argument pour lutter contre eux. C'est-à-dire que lorsqu'une idée, là pour le coup, on parlait tout à l'heure de la méfiance des Romains vis-à-vis de la nouveauté religieuse, mais l'orthodoxie chrétienne se construit par l'idée d'une rectitude de la transmission des textes depuis Jésus jusqu'au présent. Donc il faut montrer par un argument d'autorité qui peut intégrer des auteurs chrétiens qu'on est droit. Mais pour montrer qu'une idée nouvelle est fausse, très vite, mais pas pour les tout premiers qui discutent, parce qu'il faut la fabriquer. Mais la référence à Simon le Mage, donc à un personnage d'époque apostolique, est déjà une première façon de faire une généalogie des hérétiques. Mais après, lorsque des hérésies font l'unanimité, comme l'arianisme, tardivement, à partir de la fin, de l'extrême fin du IVe siècle, eh bien rien de plus facile que de dire d'une idée nouvelle qu'elle est arienne, pour la disqualifier complètement. Oui, Hélène Ménard. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée de généalogie, parce que également dans les sources normatives, je pense à une constitution de 380 qui définit finalement ce que doit être la foi catholique. En fait, c'est pas une définition positive, c'est simplement par référence à Damase, évêque de Rome, et Pierre d'Alexandrie. Il faut se conformer à ce que eux ont dit. Oui, et donc c'est aussi le moment où on va progressivement dire que l'évêque de Rome a un poids plus important que d'autres figures. Il y a celui d'Antioche, etc., etc., j'imagine, mais il y a plusieurs têtes dans cette église ou Alexandrie. Mais néanmoins, à un moment ou à un autre, on va se conformer à cette idée qu'il y a plutôt un canon qui vient de Rome ou pas, parce que l'Empire est à Rome. Non, c'est ici. Non. Oui et non. Dites non, vous avez le droit. Non. Oui, dans la mesure où cette quête perpétuelle, enfin très durable, de savoir comment définir ce qui est juste et ce qui est faux, qui commence entre guillemets avec Irénée et qui se poursuit bien au-delà de l'Antiquité, elle passe aussi par l'émergence de figures d'autorité qui sont liées pas seulement à des... Alors souvent, elles sont liées à des personnes. Par exemple, Irénée de Lyon. Lyon, c'est pas un siège important dans la chrétienté particulièrement. Je dis chrétienté. Mais Irénée, lui, il a une autorité. Il s'est beaucoup bougé. Il est très intelligent. Il a beaucoup écrit, etc. Mais Rome, Alexandrie, Constantinople, Jérusalem pendant un temps, puis plus du tout Jérusalem. Antioche pendant un temps, puis beaucoup moins Antioche. Et puis, ça dépend pour qui. Pour les chrétiens de langue latine, Rome prend une importance énorme. Pour les chrétiens de langue grecque, ça passe ailleurs. Hein. Isabelle Ayourache. Non, je pense que le pape Damase, qui était mentionné tout à l'heure, c'est effectivement, c'est avec lui que l'autorité de l'évêque de Rome commence vraiment à s'affirmer en Occident. Peut-être même plus tard, donc, mais pour l'époque primitive, non. C'est-à-dire, Irénée de Lyon, effectivement, il cite la succession des évêques de Rome, mais il dit qu'il le cite à titre d'exemple, et bon, qu'il pourrait aussi faire la même chose pour Éphèse, donc pour lui, c'est juste... Un dernier mot. Un dernier mot très rapide. Le pape Damase, oui, il dit, lui, qu'il est normatif et que c'est lui qui a raison. Mais même à cette époque, il n'est pas reconnu. Et ce qui est très, ce qui change beaucoup, c'est pas tellement Damase à Rome à la fin du IVe siècle. Ce qui change beaucoup, c'est quand même, mine de rien, la conversion de Constantin. Et l'idée que 312. L'Empire, en 312, et la construction d'un certain nombre d'instances, dont l'idée de concile convoqué par l'empereur, qui fait que l'Empire prend en charge une partie du contrôle de l'hérésie parmi le reste. Et donc, c'est ça qui fait un grand changement et qui lui aussi hiérarchise et dit... Contrôle politique et contrôle religieux. Et contrôle religieux, qui dit, on dit à Nicée, il y a 5 sièges patriarcaux et c'est à eux qu'il faut faire remonter les choses. Merci à toutes les trois d'être venues nous éclairer et vous nous avez beaucoup éclairé sur cette question de ces hérésies telles qu'elles ont évolué entre la période de l'Antiquité romaine, donc républicaine, jusqu'à la naissance et au développement du christianisme. Et on vient de le dire, donc la christianisation de l'Empire à partir de 312. Merci donc à vous Hélène Ménard, merci Isabelle Ayourache et merci Claire Sautinelle. Demain, nous terminons notre série d'émissions consacrées aux hérésies en nous intéressant à une toute autre période, c'est le XVIe siècle, c'est évidemment l'arrivée de la Réforme, mais aussi certains moments très terribles et douloureux. C'est par exemple l'extermination des Vaudois du Luberon. Que ce soit le cas du Piémont ou de la Provence, ces gens vivent dans des paroisses normales, il y a donc un curé. Le curé de l'époque, il ne vit que parce que lui donnent ses paroissiens, au moment des sacrements. Alors, si vous avez une population où tout un village est pratiquement vaudois, comme c'était le cas dans le Luberon, à Lourmarin, à Mérindole, à Cabrières d'Aigues, bon, le curé peut crever. Hein, et comment voulez-vous qu'il ne s'aperçoive pas que ces gens ne viennent pas bon. Autrement dit, il y a tout un art, j'appelle ça un art, peut-être un artifice, je ne sais pas, qui se met en place, qui est de donner le change. Concrètement, ben, ils vont à l'église, tous les dimanches et toutes les grandes fêtes de l'année, ce qui représente presque 100 jours par an quand même, de fêtes chômées. Bien sûr, ils se marient à l'église, bien sûr, ils font baptiser leurs enfants à l'église. Alors, quand j'explique ça, en général, on me dit, mais alors, qu'est-ce qui reste de vaudois, ces gens, finalement, si ils sont complètement... Eh bien, c'est ça, justement, ce qui est merveilleux et mystérieux à la fois. Est-ce que, pour autant, ils passent inaperçus? Ça, je ne le crois pas. Il faut savoir que quand ils sont arrivés ici, ils étaient toujours catholiques. Ils n'ont quitté le catholicisme qu'avec le fameux synode de Champforan en 1532. Et à partir de ce moment-là, ils vont avoir leur lieu de culte séparé. Et évidemment, ils vont se trouver en pleine lumière vis-à-vis de l'Église catholique et romaine. En 1530, François Ier envoie une lettre à tous les évêques de France pour leur demander de faire une enquête secrète pour voir s'il n'y avait pas d'hérétiques, de malsentants de la foi, comme on disait à l'époque, dans leur diocèse. Et là, c'est là où ils sont stupéfaits de trouver dans les villages du Luberon des villages entiers qui sont dissidents. Quand on nous dit les Vaudois sont partis de Cabrières et ils sont allés se réfugier à Murce, il y a au moins 10 heures de marche. Mmh. Donc ça, c'est pas fait comme ça. Il y a eu une organisation. Ils ont eu un signal. C'est pour ça que certains ont pu partir. Parce qu'on a retrouvé, on sait qu'ils étaient partis avec des enfants, des femmes, très bien, des chiens. Bon, le chien va vous suivre. Mais ils avaient des cochons avec eux. Enfin, c'est quand même rare qu'un cochon vous suive en laisse gentiment. Mais là, je ne ferai pas la traversée, moi. À part être un sanglier, c'est quand même pas pratique. Il y a des chemins, quand même. Il y a des chemins, mais pas ici. Vous voyez, comme c'est raide, abrupt, là, il n'y a pas de chemin. Les Vaudois l'ont fait. Les Vaudois l'ont fait. Voilà, c'est demain le documentaire signé Olivier Chaumel et Anne Fleury, 1545, le massacre des Vaudois du Luberon, pour terminer notre série consacrée à l'histoire des hérésies. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Jean-Guy Linmège était avec nous à la technique ce matin et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter, réécouter ces émissions, avoir les bibliographies qui les accompagnent, n'hésitez pas à aller sur la page de la Fabrique de l'Histoire, sur le groupe Facebook, sur la page de franceculture.fr, pardon. Mais également, vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire, donc, ou encore discuter avec nous et nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.